14h34. Je vous l'ai dit, on travaille là-dessus. Ça s'en vient pour le mois de septembre. Je veux faire de quoi pour une nouvelle fondation qui a été mise sur pied par pour le cancer de la prostate. Alors, c'est une cause qu'on a épousée depuis un bout. Et tu sais que j'ai deux, trois idées, là, puis on verra ça, là. J'ai le temps en masse de vous annoncer ça d'ici au retour, là. Ça s'en vient. On va préparer ça. Mais je sais que j'ai lancé l'autre jour, je me souviens plus dans quelles circonstances, on allait peut-être faire un calendrier d'infirmières sexy. T'sais, j'ai déjà lancé ça en boutade une couple de fois, là. Tu sais, il y a des calendriers de pompiers sexy, puis nous autres, les gars, on n'est pas jaloux, ça nous dérange pas. Mais est-ce qu'on pourrait le faire avec les femmes? Au nom de l'équilibre, hein? L'égalité des sexes. Moi, je crois à ça beaucoup. Fait que des infirmières sexy. Il y en a une qui l'a pas pris. Il a reçu un email. On va se donner rendez-vous au mois d'août. Ou début août. Parce que là, même que je revienne de mes vacances, je pars plus tôt cette année, mais je reviens plus tôt aussi. Donc, début août, elle va être là. Alors, on va lui donner rendez-vous. Elle s'appelle Chantal. Chantal, on a rendez-vous ensemble. Écoute bien ce qu'elle m'a écrit. Elle est vraiment maudite, là. Bonjour, Monsieur Bouchard. Je suis une infirmière, 28 ans d'expérience. J'ai entendu votre idée de calendrier sexy d'infirmière. Déjà, à cause de ces films que vous aimez tant, nous avons déjà des problèmes de harcèlement. Et vous, comme un innocent jaloux, vous voulez qu'on ait encore plus de problèmes de harcèlement? Vous pensez qu'on va se laisser faire sans broncher? Voyons, vous nous prenez pour des innocentes. Toi, tu t'en fous derrière ton micro. Il n'y a pas grand-chose qui peut t'atteindre. Pendant que nous autres, il y en a qui essaient de nous taponner. Toi, tu fais le tapon. Jeu de mots. Allons-y ensemble. Auras-tu le courage de dire aux auditeurs ce que tu t'es fait dire? Ben oui, je suis en train de le faire. Là. Seul Dieu le sait et le diable sans doute. Elle a craqué. Mais je te jure que je t'écoute. Alors, on la salue. Et je te laisserai pas nuire à nos jeunes infirmières. Mais il y a deux choses là-dedans. C'est plus que deux choses. Inacceptable que les infirmières se fassent taponner. Ben là, en partant, là. Mais non, mais c'est justement la mise au point. Là, moi, j'ai jamais entendu parler, depuis que je travaille dans l'actualité, d'infirmières qui se faisaient harceler. Là, c'est quoi ça? Mais ça, en passant, là, c'est une nouvelle. Fait ben que, oui. Donnez-nous des détails, on va fouiller l'information, puis on va essayer de faire de quoi là-dessus. Alors, s'il y a vraiment un problème, puis elles se font taponner, puis harceler, puis agresser, c'est la première fois que je n'entends parler. Alors, si c'est le cas, on verra bien. Mais sinon, c'est quoi le rapport? C'est prendre les hommes pour quoi, là? Ça revient encore avec l'histoire que la prostitution, c'est dû au Grand Prix du Canada. Là, si on fait un calendrier d'infirmières sexy, les gars vont devenir débiles dans les hôpitaux, ils vont voir une belle infirmière puis ils vont épogner le cul. On est comme ça, nous autres, les gars. N'oubliez pas que c'est le genre de raisonnement qui mène aux femmes voilées. C'est exactement ça. L'homme est tellement innocent, la femme, son corps est un objet de tentation, de péché. Il faut le couvrir, parce que si l'homme le voit, il va être tenté. Alors, on se donne rendez-vous, je vais en avoir des arguments. Mais je vois pas pourquoi mon calendrier ne peut pas se faire. S'il y a un problème majeur d'harcèlement, on en jasera. On va parler de ça, c'est... Ça vaudrait la peine, honnêtement, si tel est le cas, là. Mais un va pas avec l'autre. C'est deux sujets. Tu sais, même dans des environnements, il y en a des filles qui peuvent se faire harceler ou quoi que ce soit, mais ça passe pas parce qu'on fait des calendriers ou parce que la profession fait en sorte que c'est vu plus sexy ou du harcèlement, il va toujours en avoir, des belles filles, il va toujours en avoir, puis des gars colons, il va toujours en avoir. Mais le calendrier, Moi, je pense que la cause du harcèlement, ça, tu sais quoi, José? Écoute bien ce qu'on va dire là. La cause du harcèlement, c'est les harceleurs. Pognez-les, donnez-leur des sentences sévères, crissez-les en dedans quand ils battent leurs femmes ou qu'ils agressent. Pourquoi vous vous battez pas pour ça, les féministes? Pourquoi j'entends jamais les féministes descendre dans la rue avec moi pour réclamer des sentences plus sévères pour les femmes violées? Pourquoi? Mais pour ce courriel-là, t'as-tu vu tous les autres qu'on a reçus de femmes qui sont prêtes à faire le calendrier? Ben, j'en ai trois, là. Ça m'en prend 12. Je n'ai pas parlé encore. Fait que ça m'en prend 12. Puis on a un calendrier d'infirmières sexy. Ou autre chose. J'ai d'autres idées aussi. Mais ça, c'est nouveau, je vous le donne en scoop, là. C'est une des premières fondations pour le cancer de la prostate, ça n'existait pas. Je dirais pas c'est qui est derrière ça, parce que on va attendre un peu, mais tu le connais très bien. Ben oui. Un homme d'affaires bien connu de Québec, ça va être annoncé, je pense, bateau, là. Première fondation, ça n'existait même pas. Il y a un organisme qui s'occupe du cancer de la prostate. Jean Pagé est là-dedans. C'est une bonne gang. Sont à Montréal. Ça s'appelle, je pense, Procure. C'est bien ça? Je pense que c'est ça. Ouais, puis garde super, là. Mais ça s'appelle Procure, puis anyway, quand on peut être 2, 3, 4. Mais la fondation du cancer de la prostate, croyez-le ou non, n'existait pas. Fait que je suis en train de travailler là-dessus. L'annonce pas tout de suite, là, parce que on est pas encore, il y a rien de ficelé, là. Mais ça pourrait être un calendrier d'infirmières sexy. On verra bien. Au téléphone, des gens veulent nous parler? OK, 670-9330. On va aller jaser avec Nicole. Nicole, bon matin. Bon matin. Je trouve ça d'un ridicule fini, le fait que cette dame-là ait dit quelque chose comme ça. On s'entend-tu que, est-ce que pense qu'on a des calendriers de pompiers que nous autres, les femmes, on taponne les pompiers à tour de main quand on en voit un? C'est vraiment, là, tu sais, je me dis, c'est beau d'être féministe ou d'être vraiment pour les femmes, mais il y a un bout à tout, là. Parce que vraiment, là, je trouve ça ridicule, ridicule. C'est qu'ils nous prennent aussi pour qui, tu sais, on peut prendre les hommes pour des totons, mais mon Dieu Seigneur, on peut prendre aussi maintenant les femmes comme si les femmes n'étaient pas capables de réfléchir la même chose. Mais moi, là, je suis prêt à me battre. Je sais qu'il va falloir que je me batte. Comment vous pensez va réagir l'ordre des infirmières si jamais on lance un calendrier d'infirmières sexy? Du côté des pompiers, ça a passé, il n'y a pas de trouble. Ils font ça en plus pour une bonne cause. Je crois que c'est les grands brûlés, si je ne m'abuse, leur calendrier. Mais anyway, c'est bien correct. Alors, mais les infirmières, checkez bien ça. Je suis convaincu que ça va être et ça sera pas facile. Ben, c'est sûr que ce sera pas facile, mais d'un autre côté, je me dis, si on se dit évoluer, nous autres, les femmes, il faudrait vraiment évoluer, mais dans le bon sens aussi, là. Tu sais, à quelque part, puis je suis loin d'être la fille sexy, là, mais quand je vois une belle dame, je suis capable de le dire. Quand je vois une belle femme, je suis capable de le dire aussi, autant pour les garçons, pour les hommes. Puis je suis mariée, puis garde, tout va très, très bien. Sauf qu'à quelque part, je me dis, mon Dieu Seigneur, c'est quoi l'évolution de la femme? Est-ce qu'on s'en va en rétrograde ou bien on décide de progresser? Merci beaucoup, Nicole. Merci. Bonjour. On a des appuis aussi. Alors, c'est contesté, on a des appuis. Studio à commercial, fm93.com. Des belles toiles de grands peintres où on voit des femmes nues, là, mais avec... Ah, c'est vrai, ils ont tout un petit peu de chair, par contre, hein. Il y a ça qui est différent, peut-être, ouais. Là. C'est comme les... Ça, ça passe. C'est comme les femmes dans la pub de Dove ou d'Ivory, ou je sais pas lesquelles, qui étaient grassettes un peu. J'ai vu aucune féministe... Grassettes, ils ont 8 bourrelets, Sylvain. Ouais. Ça, les féministes n'ont pas chialé pour non. ça. Puis c'est mais acceptez-vous quand... tel que vous êtes, puis c'est beau comme message, là. C'est pas ça, là, c'est pas ça, là, mais... Mais quand t'en vois une belle, en string à quelque part, sexy. Ou belle, sexy... C'est pas bon. Ce qui me fait dire que pas tous les féministes, pas toutes, mais il y en a trop, sont trop nombreuses, les GLF. Les GLF. GLF. Ah oui, les féministes GLF. Ah, t'étais pas là lundi quand j'ai sorti l'expression, elle sait pas elle. Les GLF, il y a trop de GLF dans les féministes. G comme une G, L comme une L, puis ouais. F comme une F. C'est-tu correct? Qu'est-ce que tu as? Ah, Marouette, t'as mieux de garder tes lettres, hein? Ben c'est ça! Fait que je parle en code à ce temps, tu vois comment je... rendu tactique et stratégique. T'as-tu deviné les trois? C'est oui, en disant de même une il y a trop de... C'est ça. On censure. Pas drôle. 7h41.